Quatrième partie, chapitre 7 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Quatrième partie, chapitre 7, des remèdes aux grandes tentations. Dès que vous apercevrez une tentation, imitez les petits enfants qui, à la vue d'un loup ou d'un ours, se jettent entre les bras de leur père et de leur mère, ou du moins les appellent à leur secours. Recourez ainsi à Dieu et implorez le secours de sa miséricorde. C'est le remède que notre Seigneur nous donne en ses paroles. Priez afin que vous n'entriez point en tentation. Si elle continue ou si elle devient plus forte, embrassez la Sainte Croix en esprit comme si vous voyiez Jésus-Christ devant vous. Protestez-lui que vous ne consentirez point à la tentation. Demandez-lui qu'il vous défende de l'ennemi et persévérez en cette protestation et en cette prière tandis que le combat durera. Mais, parmi ces protestations, ne considérez point la tentation et regardez uniquement Jésus-Christ, d'autant que si vous y arrêtiez votre esprit, elle pourrait ébranler votre cœur, principalement quand elle est forte. Donnez donc un détour à votre esprit par quelque occupation bonne et louable qui puisse aussi, par l'attachement que votre cœur y prendra, éteindre le sentiment de la tentation. Le grand remède contre toutes les tentations, grandes ou petites, c'est d'ouvrir son cœur à son directeur en lui faisant connaître les suggestions de l'ennemi et les impressions qu'elles font. Car, observez que le silence est toujours la première condition que l'ennemi impose à celui qu'il veut séduire. En la manière qu'un libertin qui entreprend une femme ou une fille l'engage d'abord à tenir leur commerce fort secret, ou à son mari ou à son père, conduite du démon, toute opposée à celle de Dieu, qui nous oblige absolument de faire examiner ses inspirations par nos supérieurs et par nos directeurs. Que si, après cela, la tentation s'opiniâtre à nous persécuter et à nous fatiguer, nous n'avons rien à faire qu'à lui refuser avec une généreuse opiniâtreté le consentement de notre cœur. Une personne ne peut être mariée pendant qu'elle dit non, et une âme n'est jamais vaincue par la tentation, tandis qu'elle dit aussi non. Ne disputez jamais avec votre ennemi, et ne lui répondez à toute chose que par cette parole avec laquelle le Sauveur le confondit. « Retire-toi, Satan !» Il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui. » L'honnête femme quitte tout court un malhonnête homme sans le regarder et sans lui répondre, et elle tourne son cœur vers son époux, renouvelant en elle-même les sentiments de la fidélité qu'elle lui a promise. Et l'âme dévote, attaquée par son ennemi, ne doit pas s'amuser à lui répondre ni à disputer avec la tentation. Il lui suffit de se tourner simplement vers Jésus-Christ, son époux, et de lui protester qu'elle veut être toujours et uniquement à lui, avec une parfaite fidélité. Fin du chapitre 7, quatrième partie.